Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Lorsque Dieu t'a béni, il faut revenir pour lui dire merci. Et une des façons de dire merci à Dieu, c'est de soutenir son œuvre par la dîme, par les offrandes, par les dons. Persévère, il ne faut pas dire « j'ai donné, je ne vois rien ». La Bible dit « ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable ». Je vais encourager une sœur. Tu as un cœur pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais laisse-moi te dire, dans quelques temps, tu verras comment le Seigneur va te récompenser. Persévère, il va t'élever. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin. Réveille ta femme. Réveille ton mari. Nous sommes à OSB. Nous allons lire Matthieu chapitre 4, 1 à 11. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons le passage du jour. Matthieu 4, 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable, transportant dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. » Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une haute montagne, très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Trois vérités se dégagent de ce passage. Première vérité, Dieu ne nous tente pas. Le tentateur, c'est le diable. Quelqu'un ne peut pas dire, moi, Dieu m'a tenté. Non, ce n'est pas Dieu qui te tente, mon ami. Le tentateur dans la Bible, là, c'est le diable. Vous voyez ce que dit le verset 1? On dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit. Mais qui l'a conduit où? Dans le désert. Mais pour être tenté, non pas par Dieu, mais par le diable. Vous voyez? Donc, il y a des choses que Dieu permet. Ça fait partie de la volonté permissive. Mais ce n'est pas lui qui te tente. C'est toi-même qui doit savoir comment réagir par rapport à la tentation. Et je voudrais que nous comprenions qu'il existe une différence entre la tentation et le péché. La tentation peut être définie comme étant tout désir, qui peut être intérieur ou extérieur. Quelque chose qui nous pousse à désobéir à Dieu. C'est un attrait vers la désobéissance à Dieu. Quelqu'un a dit, tu ne peux pas empêcher à un oiseau de survoler ta tête, mais tu peux empêcher à un oiseau de poser les nids sur ta tête. De ce point de vue, chaque chrétien peut être tenté, parce que même Jésus était tenté. Mais nous pouvons résister pour ne pas succomber à la tentation. C'est pourquoi, dans la prière de notre Père, Jésus a dit, quand vous priez, dites, ne nous laissez pas, ou ne nous induisez pas en tentation, bien ne nous laissez pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Deuxième vérité, nous voyons ici les trois domaines dans lesquels le diable nous tente le plus. Et nous voyons, il a tenté Jésus comme le nouvel Adam, de la même manière qu'il a tenté le premier Adam dans le jardin. Il y a les trois domaines sont la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Les mêmes éléments se retrouvent aujourd'hui dans la plupart de nos tentations. Première tentation, la convoitise de la chair. Il est dit au verset 3, le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne de pain. » Vous voyez, ça c'est la chair. Souvent, le diable veut nous tenter dans ce domaine. Il a vu que pendant le jeûne, Jésus avait faim. Il vient profiter de nos désirs naturels et charnels. Beaucoup de gens succombent même dans ce domaine de la nourriture. Ils n'arrivent pas à se maîtriser. Pour d'autres, ça peut être dans le domaine sexuel. Vous voyez, c'est tout ça la convoitise de la chair. Il nous attire pour que nous puissions nous laisser entraîner par notre chair. Le deuxième domaine, c'est l'orgueil de la vie. Ici, je change un peu l'ordre. Le verset 5 dit, « Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Vous voyez, ici, quand bien même le diable utilise la parole de Dieu, mais il l'utilise très mal. Je vais dire à quelqu'un, il y a des versets bibliques que le diable peut te révéler et en les interprétant mal, juste pour te faire tomber dans les péchés. C'est pourquoi on doit réellement être assis. Vous voyez ici, le diable voulait susciter l'orgueil en Jésus. Il dit, si tu es le fils de Dieu. Donc, il voulait que Jésus fasse une démonstration, comme le Superman. Pour dire, bon, il faut faire une démonstration. Comme ça, on va t'acclamer de manière publique. Si Jésus aurait accepté ce que le diable lui a demandé, il aurait commis un péché. Parce que il aurait fait, non pas pour la gloire de Dieu, mais il aurait fait pour sa propre gloire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour notre propre gloire. Le diable veut que nous puissions démontrer. Il peut te dire, oui, pour prouver que tu es un homme de Dieu, il faut que tu aies la voiture la plus luxueuse. Il faut que tu aies la villa la plus chère. Vous voyez, comme ça, lorsque tu vas passer, tout le monde va t'acclamer. Oui, si réellement tu es chrétienne, tu es femme de quelqu'un, il faut réellement que tu portes les bijoux les plus chers. Et lorsque tu passes là-bas, il faut que réellement tout le monde te regarde. C'est la motivation des actes que nous faisons. Si la motivation, c'est notre propre gloire et non la gloire de Dieu, eh bien nous succombons dans la tentation et nous tombons dans les pieds du diable. Troisième domaine, c'est la convoitise des yeux. Il est dit ici, au verset 8, le diable le transporta encore sur une haute montagne très élevée, lui montra. Vous voyez, il y a le verbe montrer. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Je vais parler à quelqu'un, mon ami. Tu vois, tu n'arrives pas à vivre une vie chrétienne victorieuse parce que tu es très oisif. Je ne dis pas que les chrétiens ne doivent pas aller, ne doivent pas faire les loisirs. Mais, mon ami, il faut savoir choisir là où tu vas faire les loisirs. Il y a des endroits où nous nous exposons, mon ami. Tu t'exposes dans certains endroits bizarres où tu vas voir des gens qui sont à moitié nus. Ça va t'exciter, ça va te donner d'autres idées. Il y a beaucoup de choses que nous regardons, parfois avec les médias sociaux. Je vais parler à un jeune, regarde-moi bien. Pourquoi tu te caches loin de tes parents et tu regardes des sites pornographiques? Ça te donne quoi? Ces choses, le diable va te les montrer pour dire voilà comment tes amis font et tu vas commencer à imiter la convoitise des yeux. Il y a beaucoup de gens qui convoitent les biens d'autrui. Tu vois la voiture d'un ami, de ton voisin et tu dis je vais avoir la même voiture. Tu vois la femme d'autrui, tu vois le mari d'autrui et tu les convoites. La Bible interdit de convoiter les biens d'autrui, la femme d'autrui, les maris d'autrui. Mais souvent c'est au niveau de nos yeux. C'est pourquoi nous devons savoir discipliner nos yeux. Le diable nous tente dans ce domaine. On dit, il lui montra. Je vais parler à une dame, regarde-moi bien. Tu as rompu avec ce monsieur qui était ton amant. Maintenant tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Mais pourquoi tu aimes toujours être en contact avec lui? À force de le contacter, tu vas découvrir qu'il a autant de voitures, tu vas découvrir ses téléphones portables, tu vas découvrir ses médailles et tu vas commencer à être tenté. Est-ce que tu vois? Troisième grande vérité. Pour vaincre la tentation, nous voyons une arme excellente et forte. C'est la parole de Dieu. Vous voyez, dans les trois domaines, Jésus a utilisé la parole de Dieu. Chaque fois que le diable venait, il commençait en disant « Il est écrit ». La première fois, quand le diable est venu pour dire, si tu es le fils de Dieu, change cette pierre en pain. Jésus dit, verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La deuxième fois, lorsque le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple pour lui dire, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas et il a utilisé un verset biblique. Mais Jésus a aussi utilisé un autre verset biblique. C'est pour dire quoi? La parole de Dieu doit s'interpréter par la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un vient avec un verset biblique qui est mal interprété, envie de te tenter, il faut aussi chercher un autre passage biblique pour équilibrer. C'est ce que Jésus a fait. Vous voyez? La Bible dit, au verset 7, Jésus lui dit, il est aussi écrit. On ne peut pas tirer une doctrine à partir juste d'un passage biblique. Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. La troisième fois, lorsque le diable montre tous les royaumes du monde et il demande l'adoration à Jésus, écoutez ce que Jésus dit. Verset 10, Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à vivre une vie chrétienne victorieuse? Ils succombent toujours dans le péché parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Nous devons mettre l'accent sur l'étude de la Bible. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se laissent impressionner par des révélations, des visions, des hommes de Dieu, des bishops, des prophètes. Mais comment peux-tu discerner la vision, la prophétie, la révélation si toi-même tu ne connais pas la parole de Dieu? C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont abusés. Oh, que le nom du Seigneur soit béni et prions pour qu'il nous préserve de toutes ces choses et qu'il puisse nous équiper afin que nous soyons à même de résister contre la tentation. Nous allons chanter ces cantiques pour sa gloire. Seigneur, ton nom nous donne la joie. mpona yo elonga nanga kombona yo elonga kombona yo elonga kombona yo elonga Gloire au Seigneur. Bénissons le Seigneur, lui qui nous donne la force en Jésus-Christ de triompher sur la tentation. Bénissons son saint nom. Nous te bénissons, éternel notre Dieu, toi le seul digne d'être adoré, le seul digne d'être élevé, glorifié, le seul digne d'être magnifié. Oh, nous te bénissons, notre Père, toi le Dieu véritable et la vie éternelle. Tu es le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le seul vrai Dieu. Nous bénissons ton nom en ce moment et nous te glorifions. Toi, le Dieu souverainement élevé, le Dieu qui règne au-dessus de toute autorité, de toute principauté, de toute domination. En ton nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Oh, nous bénissons ton nom, Père céleste. Toi, le Dieu qui nous rend victorieux dans les épreuves, tu es celui qui a soutenu Jésus et tu continues à le faire encore aujourd'hui. Merci pour ta main puissante qui nous soutient jour après jour. Oh, merci, Père, de donner gloire en ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sous la brèche. Notre passage du jour, c'est Matthieu 4, 1 à 11. Nous venons de voir que ce n'est pas Dieu qui nous tente. Les tentateurs, c'est le diable. Nous allons prier pour que Dieu nous accorde la grâce de ne pas succomber dans les tentations. Il y a beaucoup de gens qui sont tentés là où ils travaillent. Ils sont tentés par beaucoup de choses. Tu vas prier pour que le Seigneur te donne la capacité de ne pas succomber dans la tentation. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Tendre Père, Que ton nom est merveilleux, le nom au-dessus de tout nom, le nom par lequel nos prières sont exaucées. Nous te rendons grâce ce matin. C'est un privilège pour nous, ce matin, d'avoir ce souffle, d'avoir cette force, d'avoir cette joie pour te dire encore merci. Merci Père éternel, parce que c'est toi qui nous as créés. Merci Père éternel, parce que tout ce qui existe sur cette terre a été créé par toi. Tu es le Dieu créateur de toutes choses. Je prie ce matin au Père éternel et je demande ta grâce, je demande ta faveur exceptionnelle afin de pouvoir surmonter aux tentations du diable. Je prie dans le nom de Jésus-Christ et je demande que tu me donnes la force de m'adonner toujours à ta parole, de méditer ta parole chaque jour, d'être rempli de ta parole, d'avoir une foi ferme afin de pouvoir résister contre les œuvres de l'ennemi, afin de pouvoir résister contre toute forme de tentation. Tu as dit dans ta parole, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ô Père éternel, nous te disons merci. Merci parce que nous avons cette sécurité. Nous sommes équipés. Tu as mis à notre disposition ta parole qui est utile pour combattre les esprits démoniaques, qui est utile pour surmonter toute forme de tentation. Merci pour le discernement que tu nous donnes. Merci pour cette force que tu nous donnes chaque jour. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié avec assurance. Amen. Amen. Nous voyons les trois domaines dans lesquels nous sommes les plus tentés. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Oh, prions le Seigneur pour qu'il nous aide à ne pas nous laisser entraîner par la chair, dans l'immoralité sexuelle, dans la gourmandise, dans la gloutonnerie. Prions pour que l'orgueil ne puisse pas s'enraciner en nous, pour que nous fassions les choses pour notre propre gloire. Prions pour que nous sachions discipliner nos yeux. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Louange à toi ce matin, gloire à toi, honneur à toi, puissance à toi Seigneur. Ce matin, tu nous révèles trois éléments les plus importants de la vie chrétienne. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Combien de fois, ô Seigneur, ces choses détruisent notre relation avec toi. Notre relation avec notre prochain, ça détruit aussi notre vie, notre foi, notre attachement à toi, notre intimité avec toi. Nous crions vers toi. Nous élevons nos voix vers toi pour te supplier ce matin, pour t'implorer ce matin, pour t'appeler au secours, Seigneur. Nous gémissons, nous soupirons comme de fois la convoitise de la chair. La chair réclame certaines choses dont elle veut se satisfaire. La convoitise des yeux. Ève a convoité, a regardé des yeux. Le fruit défendu. Nous venons à toi ce matin. L'orgueil. Nous voulons être là où tu ne nous as pas mis, Seigneur. Nous voulons enlever les autres pour être là. Seigneur, nous te demandons pardon. Viens à nos secours. Viens à nos secours. Nous péchons constamment contre toi et nous te demandons pardon. Aide-nous, soutiens-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. nous venons de voir que l'arme pour lutter contre la tentation, c'est la parole de Dieu. Jésus n'a cessé de dire à Satan, il est écrit. Bien-aimé, nous allons prier pour que l'Église mette encore l'accent sur la parole de Dieu. Que les chrétiens apprennent à méditer la parole de Dieu. Que les chrétiens aiment l'enseignement de la parole de Dieu. Et qu'ils ne se laissent pas entraîner par des visions mensongères, des songes, des révélations. Mais qu'ils puissent prendre la parole de Dieu comme leur arme efficace pour lutter contre l'ennemi. Prions le Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit honoré, que ton nom soit psalmodié, glorifié, loué. Ce matin encore, nous venons à toi parce que par ta parole, tu nous as illuminés. Ta parole est la lumière. Et dans le livre de Hébreux, chapitre 4, verset 12, il est écrit, « Car la parole de Dieu est vivante. » Et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Seigneur, merci pour ta parole qui est vraie, ta parole qui est notre miroir. Éternel notre Dieu, ce matin, devant ta parole, nous voulons nous incliner. Nous voulons incliner les cœurs à la méditer, à s'approprier, à la lire et à la confesser, à la mettre en pratique. Père, nous déclarons que tu mets cette parole aussi dans la bouche de tes serviteurs, afin qu'ils enseignent ta parole dans la vérité, dans la foi, sous ton onction, sous ton pouvoir. Que tes enfants qui écoutent cette parole ne se détournent point d'elle. Qu'elle mette tes principes, tes lois, tes commandements en pratique pour que nous soyons fortement édifiés. Pour que nous soyons restaurés constamment, guéris, transformés, requinqués pour résister au diable. Merci pour le pouvoir de ta parole qui agit en nous et qui nous donne des ouvertures de portes et des grandes bénédictions au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons que demain dimanche, nous aurons notre rendez-vous des mariés dans le cas de bonheur conjugal. Nous allons parler de la dépression. De ses causes, de ses manifestations et de ses conséquences. L'entrée est libre, ce sera à 17h. Au CPE, dans la même cour que la radio Fréquence Vie. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter.